Stephen King aime le western, Stephen King aime la fantasy, Stephen King a écrit La Tour Sombre et Nicolas Jarcel l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Pour ce deuxième numéro, je suis toujours avec Chris. Bonjour. Bonjour. Bah, tu seras toujours avec moi pendant de nombreux numéros, normalement. Oui, oui, merci de me le rappeler. Sauf accident de parcours, on ne sait jamais. Ça va ? Ça va, et toi ? Ouais, très bien. Il fait moins chaud qu'au dernier enregistrement, ça va. Oui, et t'as passé un bon moment à regarder le film ? On en reviendra. Voilà, je suppose. Donc, je vous rappelle rapidement le principe de ce podcast. À chaque numéro, nous aborderons un film ou une mini-série adaptée d'un livre de Stephen King. Nous entendons adaptation au sens large, puisque nous incluons aussi les suites des adaptations de King et les scénarios originaux de l'auteur. Il y en a quelques-uns. À partir de ce numéro, nous piocherons au hasard deux films dans une boîte. Le hasard, nous ne l'avons pas retenu seulement pour les deux premiers numéros, le précédent consacré à Cimetière et celui-là consacré à La Tour Sombre, puisque nous voulions établir une sorte d'échelle primaire avec un mauvais film, mais pas le pire, et un bon film, mais pas le meilleur. Là, on est sur le mauvais film, mais pas le pire. Ça vous laissera présager ce que vous aurez pour la suite. Voilà. Un petit avertissement avant de commencer, nous allons dévoiler pas mal d'éléments d'intrigue de La Tour Sombre, tant les livres que les films. Donc si vous ne les avez pas lus ou vus et que vous ne voulez pas qu'on vous spoil, il est préférable que vous arrêtiez d'écouter ce podcast. Par contre, n'hésitez pas à revenir une fois que ce sera fait. Et donc, c'est parti pour La Tour Sombre. Donc La Tour Sombre, ça nous raconte l'histoire de Roland, un pistolero qui au début de la saga poursuit un homme en noir à travers un désert, dans un monde de western post-apocalyptique. Mmh. On comprend assez rapidement qu'il cherche aussi à sauver la Tour Sombre, qui est responsable plus ou moins de l'unité des mondes, d'un mal qui serait véhiculé justement par cet homme en noir. On en apprendra beaucoup plus au cours de la saga. Ce serait le pinacle de tous les mondes. Voilà, c'est ça, vraiment comme l'écrou central de tous les mondes. Quelque chose qu'on retrouve régulièrement chez King. Mmh. Sa quête va l'amener à former un groupe, ce qu'il appelle un quatet, avec trois personnes venues d'un monde parallèle au sien, a priori ce serait le nôtre. Donc il y a Jake Chambers, un jeune enfant des années 70, Eddie, un junkie des années 80, et Susanna, une jeune femme noire en fauteuil roulant des années 60. On est très loin de la communauté de l'anneau, niveau variété des personnages et... Oui c'est ça, et puis ils sont moins formés à être guerriers à la base, aussi. Légèrement. Légèrement. Un des principes fondamentaux du cycle de La Tour Sombre et de l'œuvre de Stephen King en général, c'est qu'il existe une infinité de mondes, mais qu'en fait, chaque monde est le même à la base, entre guillemets. C'est-à-dire, il n'existerait potentiellement qu'un monde originel, mais les événements feraient partir chaque monde dans des directions un peu différentes, et chaque monde peut exister aussi à une époque différente. Donc il y en a un qui peut être bloqué, qui peut être 1000 ans en avance sur le nôtre, ou au contraire 1000 ans en arrière. Donc, les personnages qui existent dans un monde peuvent aussi exister sous une autre forme dans un autre monde, voire même être réels dans un des mondes et imaginaires dans un autre. C'est ça, en fait chaque monde est identique sauf qu'il se passe à une époque différente. Ouais, et aussi qu'il y a eu des événements qui se sont passés de manière différente et donc qui ont fait tourner ces mondes de manière différente, un peu comme si... Comme si les nazis avaient gagné la guerre, hop, ça crée le nôtre où ils ont perdu et un autre où ils ont gagné. C'est comme si perpétuellement à chaque événement en fait il y avait aussi un autre monde qui se crée avec l'événement inverse. Et voilà, comme chaque gros événement potentiel, quoi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a potentiellement un monde où les dinosaures existent toujours et ils sont dirigés par les nazis. Potentiellement. Oh merde. Mais King ne l'a jamais exploité. Pour un tome 9, peut-être. Peut-être. Donc Stephen King a eu l'inspiration de La Tour Sombre quand il était encore étudiant, c'était dans les années 70, au début des années 70, à partir d'un poème de Robert Browning écrit en 1855, intitulé, désolé pour l'accent, Child Roland to the Dark Tower Came, le chevalier Roland s'en vint à La Tour Sombre, le titre de ce poème étant lui-même inspiré d'un vers du roi Lear de Shakespeare. Il a commencé à écrire le livre en 1970 sur une ramette de papier vierge, épais et vert, de la façon dont il le décrit, récupéré quand il travaillait dans une bibliothèque, et il dit que c'est un mélange de tout, de ce poème, de cette ramette de papier vierge qui était pleine de possibilités dans son esprit de jeune auteur, c'est le mélange de tout ça qui a fait qu'il a eu envie de se lancer dans ce cycle, qui au début a été écrit très lentement. Alors les deux premières parties du tome 1, le tome 1 fait 250 pages environ, les deux premières parties du tome 1 ont été écrites à l'époque, la troisième, il l'a écrite pendant l'écriture de Salem, donc vers 1977, la quatrième après avoir fini Shining, donc vers 1979, et la dernière en 1981. Donc ça veut dire qu'il a mis 12 ans pour écrire le premier tome. C'était publié sous forme de nouvelles. Ouais, voilà, c'est dans un magazine appelé The Magazine of Fantasy and Science Fiction, avant de paraître en un seul tome en 1982. À l'époque, King avait déjà conscience que ça allait être monumental comme projet, mais il savait pas encore à quel point, et il savait surtout pas exactement où ça allait aller, cette histoire. Donc par exemple, il déclare dans la préface du tome 1 « Mais qu'en est-il du brumeux passé du pistolero ? Seigneur, j'en sais si peu. Et de la révolution qui a balayé son monde de lumière ? Alors là, rien du tout. » Du face-à-face final avec Martin, qui a séduit sa mère et tué son père ? Rien. De la mort des compatriotes de Roland, Cubert, Jamie, ou de ses aventures dans les années qui séparent son entrée dans l'âge d'homme de sa première apparition dans le désert ? Ça non plus, je n'en sais rien. Et il y a cette fille, Suzanne. Qui est-elle ? Je sais pas. Voilà, donc comme souvent, Stephen King se lance dans ses projets un peu à l'aveuglette, sans connaître la fin à l'avance. Cela dit, beaucoup d'auteurs procèdent comme ça. Oui, effectivement, mais j'ai l'impression que Stephen King, c'est même un maître dans ce domaine-là. C'est vrai. Ce qui explique que les fins soient un peu... ça passe ou ça casse chez lui, d'ailleurs. Oui, des fois ça peut être très expéditif, comme ça peut être mis en amont. Enfin, ouais, voilà. Bien amené, plutôt. Le premier tome a seulement eu un tirage très limité, à peu près 10 000 exemplaires, chez Grant, qui est un éditeur de plutôt petite taille, beaucoup plus petit que ceux avec lesquels il travaillait déjà à l'époque, parce que comme c'était très différent de ses autres œuvres, il n'a pas voulu le mettre aux côtés de tout le reste. C'est en partie grâce au succès de Cimetière que La Tour Sombre a été remarquée, parce que c'était listé dans les précédents 12 ouvrages de l'auteur, et donc tous ses fans qui n'en avaient jamais entendu parler se sont mis à rechercher ce tome 1, qu'il a donc dû faire réimprimer. Le rythme d'écriture est resté assez lent par la suite, puisque le tome 2 ne vient qu'en 1987, le tome 3 en 1991 et le 4 en 1997. Par contre, les trois derniers tomes seront écrits très rapidement en 2003 et 2004, enfin publiés en 2003 et 2004, ce qui est probablement dû au fait qu'en 1999, Stephen King a eu un grave accident de camion, dont on aura l'occasion de reparler, qui a failli lui coûter la vie, et qui lui a fait prendre conscience probablement qu'il ne vivrait pas éternellement, et que ses gros projets, il était peut-être temps qu'il les termine. Oui. Parce qu'il pouvait y avoir un autre accident du même genre. D'ailleurs, cet accident est très présent dans les derniers tomes de La Tour Sombre, et c'est aussi quelque chose qui revient dans pas mal de ses livres post-1999. Il y a beaucoup de personnages accidentés. Mais clairement, on sent qu'il y a vraiment un avant et un après. Ouais. Pas tellement dans son style littéraire, mais plus dans les personnages qu'il décrit, dans les traumas que certains personnages ont, quoi. Ouais, ça c'est Stephen King, de toute façon, c'est toujours beaucoup inspiré de ses traumas, hein. C'est pas pour rien que la moitié de ses personnages sont alcooliques. La publication en France a été pas mal en retard pour les deux premiers tomes, puisqu'ils sortent seulement en 1991, donc pour le premier ça fait 9 ans après sa publication originale, puis après ça a été plus classique, chaque tome sortait environ un an après la publication en VO. Au final, le cycle fait environ 4000 pages. Stephen King le considère comme la Jupiter de son système solaire, du système solaire de son imagination, aucun rapport avec Macron, et il en est... et il en est extrêmement fier. C'est bourré de références à ses autres œuvres qui sont plus ou moins appuyées. Par exemple, dans un tome, le 5, il y a le père Callahan de Salem qui revient en tant que personnage important. Et inversement, c'est l'œuvre de King qui est la plus souvent évoquée dans les autres livres qu'il a pu écrire par la suite. Pour avoir une petite idée de la vision de King sur cette œuvre et de l'évolution de cette vision, vous pouvez lire les postfastes qu'il a écrites pour chaque volume. Ça permet de se faire une bonne idée en fait de la manière dont il envisageait le monde a pu évoluer au fur et à mesure entre doute et confiance progressivement. Et c'est vachement intéressant à chaque fois. Ça a été un gros succès, le premier tirage du dernier volume est de 700 000 exemplaires, toujours chez le même petit éditeur, il lui est resté fidèle. C'est largement moins, si on compare ça aux autres romans hors Tour Sombre qu'il publiait à l'époque, puisque Roadmaster, sorti 2 ans plus tôt, c'était 1 750 000 exemplaires, le premier tirage. Mais pour un bouquin de fantasy, un 7e tome, destiné donc à un public déjà connaisseur, ça reste énorme. Oui, voilà. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est on est loin de ce que King écrit d'habitude, donc forcément... Déjà, son public de base, il l'acquiert pas obligatoirement avec La Tour Sombre. Ouais. Parce qu'on a beau aimer ce que King fait, enfin, parmi ses lecteurs, il y en a qui ne consomment que du fantastique horrifique. Donc du coup, le Pistolero, enfin le cycle de La Tour Sombre, ça leur passe un peu par-dessus la tête, quoi. Oui, un peu comme ça a été le cas pour Le Talisman, quand il a écrit avec Peter Straub. Voilà, c'est ça. Et puis là, en plus, voilà, c'est un tome 7, il y a des... ceux qui aimaient pas ont lâché en cours de route, bah, et oui, ne vont pas aller acheter le tome 7, ne serait-ce que pour voir. Clairement, et puis il faut aussi prendre en compte, bah, il y a tous les gens qui, quand c'est des grosses séries comme ça, bah, ils attendent que tout soit sorti. Aussi, pour ouais, les acheter, mmh, aussi ça. Vu le temps d'écriture de celle-là, ils se sont épargnés un bon suspense. Ça aurait été long. Mm. Mais oui, effectivement, Roadmaster, c'est mieux vendu, alors que, spoiler, Roadmaster, c'est pas très très bien quand même. Je ne l'ai pas lu. Bah, disons que c'est Christine, mais en moins bien, donc c'est pas très très bien. Effectivement, c'est pas très vendeur. Alors, il a rajouté un 8e tome à son cycle quelques années plus tard, en 2012, mais c'est un tome assez court et relativement dispensable, qui s'insère entre le 4e et le 5e tome, enfin au milieu du 4e en réalité. Il est plutôt sympa, mais ça n'apporte rien à l'histoire générale, on va dire. Mmh. Pour ma part, je trouve que c'est un cycle qui est globalement excellent, il y a énormément d'idées. Sur 7 tomes, les héros sont très attachants, d'autant plus que pour le coup on les suit vraiment longuement, donc déjà King qui sait faire des personnages attachants sur du court terme, oui, là il a vraiment le temps de bien les développer, et on a du mal à les quitter. Il y a quelques longueurs, pour moi surtout dans les tomes 2 et 3 il y a des trucs un peu en deçà, mais par contre il y a d'autres moments qui rattrapent largement le tout et qui sont géniaux. Le tome 5 pour moi, Les Loups de la Calia, c'est un des meilleurs trucs qu'a écrit Stephen King. L'idée des mondes parallèles, en plus, ça permet à King de tester vraiment plein de genres, donc il peut faire de la fantasy classique avec du récit de chevalerie dans le tome 4 quand il parle du passé de Roland, du pur western dans les tomes 1 et 5. D'ailleurs, les films western spaghetti ont énormément inspiré King. À la base, Roland, il l'imaginait avec la tête de Eastwood dans les films de Sergio Leone. L'aspect western qui est majoritairement dans le premier tome est vraiment, ouais, très bien maîtrisé. Ouais, dans le tome 5, le tome 5 c'est vraiment. C'est les 7 mercenaires, en fait, ouais, avec des robots. L'horreur, dans les tomes 3 et 6, le thriller, la métafiction, le post-apo, enfin, il teste vraiment tout. Et comme il y a cette idée de monde parallèle, en fait, c'est toujours cohérent qu'il puisse tout tester. La fin a divisé. Beaucoup. Pour moi, je trouve qu'elle est réussie et cohérente, mis à part la mort du grand méchant, qui est un peu faible. Mais c'est même pas... Paradoxalement, c'est même pas l'élément le plus important de cette fin. D'accord. Parce que moi, je n'ai pas lu la fin. Pour, voilà, pour je vais pas plus en dire. Donc, mais pour moi, la fin est réussie. Toi, t'as lu que le premier tome. J'ai lu que le premier tome. Et t'en penses quoi ? Que c'est très très bon. Alors, le premier tome, du coup, est beaucoup plus western post-apo. Il y a très peu de fantastique. Donc, le fantastique tourne majoritairement autour des pouvoirs de l'homme en noir. Il me semble que c'est tout. C'est les seules notions fantastiques du premier tome. Oui, t'as aussi... Enfin, on a des indices sur le fait que Jake vient d'un autre monde, qui serait proche d'une autre, ah, mais et qu'il aurait eu un accident. Ouais, ça serait plus science-fiction que... Oui, effectivement. Que du, ouais, vrai, que du vrai fantastique, quoi. Ouais. Mais non, les personnages sont très bons. Mis à part le pistolero, bah, qui est un héros de western dont on ne sait rien. Mais encore une fois, King le fait très bien. C'est un vrai hommage, comme tu le disais, au western spaghetti. Tout ce qu'a pu faire Leone au cinéma. C'était une très bonne lecture. Et ben maintenant que tout est publié, il va peut-être falloir que je m'y mette. Mais... T'en as pour un moment. Voilà, ça sous-entend bouffer un peu moins de 4500 pages. Ça risque d'être long. Surtout avec un projet de podcast qui va demander de relire pas mal de bouquins. C'est ça. Quelle idée. Et par rapport à Roland, effectivement, dans le premier tome, c'est l'archétype de l'homme sans nom de western, mais justement, l'ensemble de la saga vise à son humanisation, donc c'est un projet sur le très très long terme, et King l'amène très bien pour le coup, je trouve. C'est pour ça aussi qu'en milieu de saga, avec le tome 4, on a 900 pages de flashback sur son passé et sur ce qui l'a conduit à devenir comme ça. Ça l'humanise encore plus en milieu de saga, avant de passer aux choses sérieuses, on va dire. Oui. Et de se rapprocher de la conclusion, du coup. Ouais. Je pense qu'il est temps d'aborder cette magnifique adaptation. Ouais, cette magnifique adaptation, donc réalisée par Nicolas Jarcel, sortie en 2017 et de 95 minutes. Et là déjà, on peut pointer du doigt l'un des gros défauts du film, c'est que ça dure 95 minutes. Ce qui est très court, effectivement. C'est quand même assez problématique. Ouais. 95 minutes, générique compris. Générique compris, il est assez long le générique. Oui. Voilà. Durant plusieurs milliers de générations, les chevaliers ont fait serment de protéger notre monde de l'avènement des ténèbres. Ces visions, comme tu les appelles, tu vois quoi ? Je vois une tour, l'homme en noir et le chevalier. Ce ne sont que des rêves. Ce n'est pas réel, Jake. Il existe un autre monde. Je sais qu'il y en a un. Qui es-tu ? C'est vous. Vous êtes un chevalier, non ? Il n'y a pas de chevalier. Il n'y en a plus. Pourquoi l'homme en noir veut détruire la tour ? La tour protège nos deux mondes. Si elle tombe, l'enfer se déchaînera. Alors, le film est pas stricto sensu une adaptation, mais ça se conçoit plutôt comme une suite à la saga, c'est-à-dire une des révélations du tome 7, de la fin de la série, c'est que Roland est bloqué dans une boucle qui recommence éternellement, avec toujours lui qui repart à la poursuite de l'homme en noir, jusqu'à ce qu'il ait réussi à atteindre son objectif, d'une certaine façon à laver ses péchés. Et à la fin du tome 7, dans les livres, il a sur lui le corps d'Eld, donc un objet qui est censé l'aider dans sa quête, et le fait qu'il possède cet objet laisse supposer qu'il est entré dans un cycle qui sera plus positif que le précédent, et potentiellement qui sera le dernier. Or, dans les films, ça a été confirmé par l'équipe, Roland a le corps d'Eld avec lui, donc ça laisse supposer que s'il y a une suite au tome 7, un nouveau cycle qui s'entame. Après, ça n'empêche pas quand même de voir les films comme une sorte d'adaptation, puisque comme je l'ai dit, chaque cycle est assez proche du précédent, les choses n'évoluent que lentement. Donc, on peut concevoir ça comme une adaptation qui, peu à peu, aurait dû s'éloigner du matériau de base, pour aboutir à une conclusion différente. C'est bon, nous sommes spoiler... Ouais, spoiler free. Oui, parce que je précise, Chris s'est bouché les oreilles à ce moment-là, parce que comme il n'a pas lu le tome 7, je ne voulais pas qu'il ait trop de révélations. Merci. Je pense à mon équipe. Merci, ton équipe de 1 personne. Voilà. Il faut commencer petit. Avant de devenir grand. Alors, la production du film a été compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, donc on va y revenir en essayant d'être assez rapide. Le projet de l'adapter, il est lancé en 2007, et à l'époque c'était J.J. Abrams qui commandait le projet, en collaboration avec Carlton Cuse et Damon Lindelof. Désolé pour la prononciation, c'est les co-créateurs de Lost. Ouais, qui se connaissent déjà depuis Lost. Les trois comptaient s'y mettre sérieusement justement dès la fin de Lost, mais après avoir longuement hésité, ils ont fini par abandonner, parce qu'ils ont trouvé le projet trop ambitieux, trop énorme. Ils sortaient déjà d'une série qui leur avait pris 6 ans de leur vie. Ils n'avaient pas envie de se lancer dans quelque chose qu'ils envisageaient en 7 films, et qui les aurait facilement occupés pendant 10 ans, je pense. C'est assez compréhensible. C'est pour ça que J.J. Abrams est parti sur Star Trek après, puis Star Wars. Oui, c'est ça, mais Star Trek comme Star Wars, ils prévoyaient n'en faire qu'un au début. Donc... La cohérence de cet homme. Non, je trouve ça cohérent pour le coup. Je veux bien le comprendre sur ce coup-là, on va dire. Surtout qu'il y avait le problème du travail d'adaptation qui aurait été très compliqué. C'était quelque chose à s'arracher les cheveux. Je comprends qu'il ait voulu quelque chose d'un peu plus calme. Pour le coup, la question de l'adaptation, c'est pareil pour Star Trek. Oui, effectivement. Pour le coup. Vu que le projet, c'était vraiment de repartir de zéro. Donc c'est Universal qui récupère les droits une fois qu'ils ont été abandonnés par ce trio-là, et l'équipe qui est envisagée à l'époque, c'est Akiva Goldsman à l'écriture et à la production, Ron Howard à la réalisation et à la production, et Brian Grazer et Stephen King seulement à la production. Donc clairement, des gens capables du meilleur comme du pire. Voilà, parce qu'on va revenir un peu sur les deux noms évoqués. Akiva Goldsman, c'est un producteur et scénariste qui a travaillé en tant que scénariste sur Fringe, donc, Batman Forever. Donc Fringe, le haut du panier, Batman Forever, clairement le bas. Non, parce qu'il y a Batman et Robin après. iRobot, qui est plutôt pas mal dans mon souvenir, A Beautiful Mind que je n'ai pas vu, The Da Vinci Code et Ange et Démon qui sont divertissants, Rings, celui de 2017, qui est paraît-il pas terrible. Donc c'est assez inégal, et en tant que producteur, il a produit des Starsky et Hutch, Mr. and Mrs. Smith, Hancock, Paranormal Activity à partir du 2, King Arthur, Doctor Sleep, le Doctor Sleep à venir de Mike Flanagan. Donc pareil, c'est assez inégal. En scénariste, il a aussi travaillé sur Titan et Star Trek Discovery. Donc vraiment des hauts et des bas dans sa carrière. Et Ron Howard, il a été acteur au début de sa carrière, mais on le connaît surtout en tant que réalisateur. Donc avec Ange et Démon, Da Vinci Code, donc pareil, une carrière assez inégale, mais qui peut donner au moins des divertissements de qualité dans l'ensemble. Et en tant que producteur, ça inclut des films comme Restless, qui était très bien, Cowboy et Alien, qui était pas top, mais pas nul non plus. Que je n'ai pas vu. C'est décevant, en fait, par rapport au potentiel, mais c'est pas nul. The Doors et The Burbs de Joe Dante, qui sont, pour le coup, les deux sont des très bons films. Oui. Donc en soi, une équipe plutôt capable, on pouvait avoir de l'espoir. Surtout que c'est une équipe qui est habituée à gérer des budgets assez conséquents, ce qui est plutôt utile pour La Tour Sombre, et qui est habituée à faire des adaptations, vu qu'ils avaient travaillé sur Ange et Démon et le Da Vinci Code, même si c'est des projets bien plus simples. La saga était alors envisagée en 3 films et 2 saisons de séries télé. Les 2 saisons de séries auraient adapté a priori le tome 4, ce serait concentré sur le passé de Roland. Et le premier film devait arriver en 2013, d'après un communiqué d'Universal. On envisageait à l'époque soit Viggo Mortensen, soit Javier Bardem en Roland. Apparemment, Javier Bardem avait presque signé. Voire, il avait déjà signé des contrats qui ont été annulés par la suite. Mais Universal finit par d'abord chercher un autre studio pour coproduire avec elle, puis par abandonner le projet parce qu'elle trouve ça trop ambitieux et trop coûteux. À l'époque, apparemment, c'était un film à 150 millions qui était envisagé. C'est énorme. Il faut ça. Ouais, il faut ça, mais il faut admettre que c'est colossal. Oui, après, surtout pour un projet de plusieurs films et une série, voilà. Oui, voilà. En 2012, le script est remanié par Goldsman plusieurs fois, et la Warner Bros. Envisage de le récupérer, mais passe la main à son tour. Les rumeurs pendant ce temps continuent pour le casting de Roland, on parle de Russell Crowe, de Liam Neeson. Dans les acteurs qui ont été évoqués, il y a eu aussi Christian Bale. Christian Clavier. Ah, non, lui non. Il aurait fait un bon Roland, pourtant. J'en aurais eu aussi des Roland. Et finalement, c'est en 2015 que Sony Pictures et Media Right Capital récupèrent le projet, donc effectivement deux producteurs, deux maisons de production qui s'associent. Le scénario, c'est toujours de Goldsman, mais il s'est cette fois-ci fait aider de Pinkner, et il n'a apparemment plus grand-chose à voir avec l'original. Pinkner, c'est un nom qui ne vous dit peut-être rien, mais c'est un co-scénariste assez régulier de Goldsman à l'époque de Fringe, et Jeff Pinkner a aussi scénarisé, jamais seul, il est toujours co-scénariste, Amazing Spider-Man 2, La cinquième vague, Jumanji et Venom, donc en film, c'est pas terrible. Non. Par contre, en série, c'est un scénariste très récurrent d'Alias et de Lost. Donc bon, visiblement, il est plus doué à la télé. Exactement. Et c'est encore une fois un collaborateur récurrent de J.J. Abrams. C'est rigolo de voir comme tout se recoupe. Hollywood est un petit monde. Oui. Le réalisateur qui est appelé, c'est Nicolas Jarcel, qui est choisi en 2015. Ron Howard ne reste plus que comme producteur. Et Nicolas Jarcel va encore modifier le scénario avec son compatriote Anders Thomas Jensen. Nicolas Jarcel, il s'est surtout fait connaître en tant que scénariste du premier film suédois Millennium. Et en tant que réalisateur, il a fait The Affair avec Mads Mikkelsen, qui a eu un beau succès. Et qui est apparemment pas mal, moi je l'ai pas vu. Oui, qui est un bon petit film plutôt sympathique. D'accord. Et Anders Thomas Jensen, c'est un scénariste très productif. Il a travaillé avec plein de grands réalisateurs, il a travaillé avec Lars von Trier par exemple. Et il est aussi réalisateur et il a fait les très bons Adam Sappel, Les Bouchers Verts et Men and Chicken, tous les trois avec Mads Mikkelsen. Je sais pas si t'en as vu un des trois. Je n'ai pas vu. C'est très très bien. D'accord. Donc, pour le coup, l'arrivée de ces deux-là dans l'équipe était plutôt réjouissante. Ça pouvait promettre quelque chose de qualité, même s'ils n'avaient jamais travaillé sur quelque chose d'aussi ambitieux et avec un aussi énorme budget. Mais ça commence déjà à faire beaucoup de temps de production. Ça commence à faire beaucoup de temps de production et surtout beaucoup de turnover, déjà. Et beaucoup de réécriture de scénar. Voilà. Après, là, pour le coup, les studios décident d'accélérer le mouvement. La sortie est prévue pour le 13 janvier 2017. On est déjà en 2015, je le rappelle, donc ça fait une production rapide. Faut dire qu'on commence à être à une période où réadapter du King au cinéma commence à redevenir un petit peu à la mode. Ouais, voilà aussi, où la fantasy au cinéma marche pas trop mal aussi. Voilà. On est aussi à une période où on aime beaucoup faire des grosses sagas qui reviennent tous les 2-3 ans. Oui, aussi. Voilà. Donc les étoiles étaient plus ou moins alignées, on va dire. C'est ça. Plus ou moins. Matthew McConaughey est choisi en Homme en Noir en novembre 2015, puis Idris Elba en Roland en janvier 2016. Est-ce qu'on s'arrête deux secondes pour dire que c'est un très bon choix de casting, les deux ? Les deux. Les deux, c'est... vraiment, oui. Le choix est parfait, quoi. Alors, évidemment, il y a eu des polémiques à l'époque du choix de Roland. Oui, bah, parce que il paraîtrait qu'Idris Elba a une couleur de peau différente que, voilà. que la fachosphère. Bon, c'est... Alors, ça a été justifié en disant que normalement, dans sa relation avec Susanna dans le tome 2, effectivement, la question de la couleur de peau de Roland a une certaine importance, mais en soi, c'était pas dur de modifier cet élément-là et d'en faire quelque chose de tout aussi intéressant. Voilà, franchement. Ça n'a aucun... Enfin, ça n'a aucune incidence notable, et comme le dit Christopher, c'est un putain de bon choix de casting. Bah oui, enfin, les... Autant Elba que McGonagall, quoi. Les deux sont extraordinaires en tant qu'acteur, pas forcément dans ce film-là, oui. mais en tant qu'acteur, en règle générale, c'est deux très bons acteurs. Quoi. Alors, sachant qu'en plus, les deux, à l'époque, ils étaient sur une pente montante en termes de popularité, donc ouais. Idris Elba, c'était grâce à The Wire, grâce à Beast of No Nation et à Luther, principalement. Mais par contre, il n'avait encore eu aucun rôle principal dans une grosse saga hollywoodienne, parce que dans Thor, son rôle d'Endal, il est relativement en retrait quand même. Il joue l'antagoniste dans Star Trek Beyond, Star Trek, je crois, mais il est tellement noyé sous le maquillage qu'on ne reconnaît pas que c'est lui, on reconnaît à la voix en VO. On reconnaît à la voix, c'est ça. Et Matthew McConaughey, c'est un peu pareil. Après avoir longtemps joué, surtout dans des comédies romantiques, au début des années 2010, il avait totalement changé de sens pour sa carrière et commencé à jouer dans des projets plus confidentiels, qui lui ont valu une reconnaissance accrue en tant qu'acteur. Donc il y a eu Mud, Magic Mike, True Detective, et il a gagné un Oscar avec Dallas Buyers Club. D'ailleurs, c'est assez simple de voir les deux périodes de sa carrière. Avant 2010, il a quasiment aucun prix. À partir de 2012, les nominations et les récompenses pleuvent. Il doit en avoir facilement 30-40 en 3 ans. Il a agi au moment où il fallait agir dans sa carrière pour pas se retrouver dans une case, en fait. Il considérait déjà qu'il était dans une case, hein, pour sa part. C'est pour ça qu'il y a une période où il s'est vraiment retiré, où il a quasiment plus joué dans rien, parce qu'il se disait « faut que je me lave de l'image que je me suis faite ». Donc deux acteurs qui avaient une bonne réputation, mais qui pouvaient bénéficier comme ça d'un gros projet de saga qui aurait pu les faire reconnaître auprès vraiment d'un très grand public, et surtout leur permettre de jouer dans un gros blockbuster en termes tant d'image que d'économie, on va pas se mentir, c'est toujours une bonne chose pour un acteur d'avoir ça. Oui, clairement. Mais c'est sûr que c'est pas une saison de Luther tous les 3 ans qui doit rapporter de la bouffe dans l'assiette, quoi. Oui, voilà. Surtout que ça reste un peu confidentiel, Luther, malgré le succès. Malgré que ça soit très très bien, surtout. Malgré que ce soit excellent et qu'il soit vraiment magnifique dedans. Si vous voulez voir une bonne idée de ce que peut donner Idris Elba, Luther, c'est une des meilleures choses à voir. Ah ouais, clairement. Le tournage débute finalement en avril 2016 avec un budget de 60 millions de dollars. Je rappelle que le scénario original prévoyait un budget de 150 millions. C'est moitié moins, quoi. C'est plus que moitié moins. C'est 90 millions de moins. Et ça explique en partie la longueur assez limitée du film. Avec 60 millions, c'est dur de faire un film de 2h30. On sent quand même qu'il y a eu de la coupe. On va commencer à parler un petit peu du film, mais le montage est beaucoup trop merdique pour qu'il n'y ait pas eu de coupe. Oui, voilà. Alors ça, c'est clairement. Peut-être lié au reshoot aussi. Ouais. Parce que les premières projections test sont laborieuses, sont désastreuses, on juge le film trop confus, donc il y a 6 millions qui sont dépensés pour faire des reshoots. Déjà pour donner plus de corps au personnage de Roland, surtout concernant son passé et sa rivalité avec l'homme en noir. vu la présence de Roland dans le film... Où sont passés les reshoots, du coup? C'est surtout... Je serais presque curieux de savoir ce que c'était avant. Parce que oui, en plus. Il apparaissait presque pas. Ça veut dire qu'il apparaissait presque pas à l'origine. C'est ça. Sony envisage même de remplacer Nicolas Jarcel pour prendre un réalisateur plus confirmé. Traduction à Yes Man. Voilà. Voilà. Et il y a énormément de... Même si ça, c'est que des rumeurs qui ont été reniées par la suite par le réalisateur, c'est dur de le croire sur parole, vu qu'il faisait la promo du film à l'époque, donc évidemment, il n'allait pas dire que ça s'était mal passé. Et apparemment, les producteurs étaient très présents pendant le montage. Il y a eu une grosse implication de Ron Howard aussi, notamment sur les choix musicaux. Étant donné la BO, pareil, c'était peut-être pas une bonne idée que Ron Howard s'implique autant. Et des conflits de pouvoir entre les deux compagnies de production qui, apparemment, chacune voulait tirer un peu la couverture à elle et imposer ses décisions. En bref, ça a été un gros bordel et je pense que ça explique pas mal le montage effectivement chaotique. Ça explique même plus que le montage. Apparemment, la fin du film a été changée, elle devait être plus sombre à l'origine, Roland devait tuer Jake. Parce que ça, c'est un autre gros défaut du film, c'est que le film est tout public. Oui. PG-13, aux US, chez nous, tout public. C'est ça, et pour adapter quelque chose comme La Tour Sombre, qui normalement inclut énormément d'éléments très noirs, très violents, c'est une décision pour le moins étrange, qui visait probablement à faire du film un film familial accessible aux adolescents, parce que les sagas adolescentes marchaient très bien à l'époque, voilà. Comme Hunger Games par exemple. C'est pour pousser les ados ou les familles d'aller voir le nouveau tous les deux ans, quoi. Ouais, donc c'est peut-être ce qui a permis de débloquer le budget d'une certaine façon, mais c'était clairement pas une bonne idée. Le film rapporte 50,7 millions aux États-Unis, on arrive à 113 millions avec l'international, c'est vraiment pas top. C'est pas aidé, je pense, par le fait que bah, les rumeurs au cours des 10 ans de production étaient pas très bonnes, donc je pense que ça a incité beaucoup de gens à ne pas aller voir le film, il y avait une méfiance de base. Et l'accueil public a été froid, donc il y en a qui ont mis en avant que le film était tout de même divertissant, que le rythme était plutôt rapide et qu'on passait pas un mauvais moment. Oui, c'est vrai que... pendant mon visionnage du film, j'envoyais des petits SMS à Monsieur Issam. Oui. L'un des SMS disait clairement que bah, il se passe beaucoup de choses à l'écran, mais qu'on s'ennuie quand même ferme. Ouais, moi je me suis ennuyé, mais je comprends que ça puisse marcher pour certains. Oui, bah voilà. Y en a aussi qui ont loué le fait d'avoir amené directement l'idée des mondes multiples, qui est très présente dans Love the King. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée de l'amener directement. Moi, je pense pas que ce soit le cas, mais ça, on en reparlera quand on développera nos avis. Voilà. Mais dans l'ensemble, on a souvent dit que le film était confus pour les nouveaux venus, parce qu'il voulait trop en dire, et bien trop simpliste pour ceux qui aimaient le livre, parce qu'il était obligé de tellement tout condenser qu'il n'entrait pas dans les détails et qu'il simplifiait beaucoup. Mais au bout d'un moment, quand King lui-même dit que le film est confus alors que lui a toutes les cartes en main pour tout comprendre, c'est quoi, c'est confus? Ouais, c'est ça. Voilà, mais même pour moi qui ai lu tous les livres, c'est confus. Voilà. La longueur a étonné beaucoup de monde, ça a été jugé souvent trop court pour un tel projet. Ah oui, bah ça, on peut pas dire l'inverse. On peut être que d'accord. Par contre, il y en a pas mal qui ont quand même signalé la performance d'Idris Elba. Oui, mais comme d'hab, il est très bon. Hein. Il est très bon. Mais c'est ce qu'on lui fait jouer, c'est pas bon. Ouais, il est pas mis en valeur. Voilà. Il est jamais iconisé, ça on y reviendra, mais il arrive jamais, on fait jamais briller son jeu. Alors que c'est un excellent Roland, et je pense qu'il aurait vraiment pu être génial dans de meilleures conditions. Au final, le film a 15% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes et 2,5 étoiles sur Allociné. En comparaison, Cimetière, dont on a parlé la dernière fois, est à 52% de fraîcheur sur Rotten et à 3 étoiles sur Allociné. Petit écart sur Allociné, j'ai été un peu surpris qu'il soit pas plus conséquent. Ouais. Et l'accueil, évidemment, et le relatif échec financier a enterré tous les projets d'autres films et de séries télé. Par contre, il y aura tout de même une série, c'est juste que ce sera un reboot. Ça se concentrera sur le passé de Roland, mais ce sera plus Idris Elba et Matthew McConaughey. Et ça, c'est dommage. Ouais, je ne me rappelle plus du nom des acteurs qui ont été choisis. Et apparemment, ce serait produit par Amazon, qui, au niveau de la production de série, est apparemment pas bien brillant et a tendance à vite annuler ses projets. Ah ouais, c'est un peu chaotique. Ça annonce pas forcément le meilleur. C'est ça. Mais on attend de voir. Parce que ce serait bien que La Tour Sombre renaisse de ses cendres. Ça serait bien. Et effectivement, l'équipe a souvent exprimé ses regrets sur le projet. Ron Howard a dit que bah, faire un PG-13 centré sur un enfant, ouais, c'était une connerie, que ça leur a permis d'avoir le budget. Donc il dit que c'est, voilà, on n'avait pas trop le choix à l'époque si on voulait l'argent. No shit, mais hein. C'était clairement une connerie. Il reconnaît qu'il aurait dû faire un récit plus sombre, plus horrifique et avec un Roland au centre de l'intrigue. Stephen King, lui, pendant la promo, il a chanté les louanges du film. Il avait dû recevoir un petit billet pour ça. On dit même qu'il avait envoyé un mail à Nicolas Jarcel après l'avoir vu en disant « Tu t'es rappelé le visage de ton père », une formule assez récurrente dans la saga. Mais depuis, il est pas mal revenu sur ses propos. Lui aussi a dit que le PG-13, c'était une connerie, c'était une décision du studio, mais c'était une connerie. Et il dit aussi que jeter les spectateurs au milieu de l'intrigue directement, sans commencer par le début, ça les perdait, on s'y repérait plus. Ça a mis une tête, quoi. Il dit que lui, il avait signalé dès le début. Alors, je ne sais pas s'il l'avait effectivement signalé et qu'il nous l'aurait caché pendant la promo, ou si c'est quelque chose qu'il dit a posteriori pour se faire un peu reluire. Oui. Mais dans tous les cas, encore une fois, dur de ne pas être d'accord. On a perdu. Pas si la tour est encore debout. Pas si tu es encore debout. Ne le laisse pas entrer dans ta tête. Pistolet. Je ne vise pas avec ma main. Celui qui vise avec sa main a oublié le visage de son père. Je vise avec mon œil. Par ici. Je ne tire pas avec ma main. Celui qui tire avec sa main a oublié le visage de son père. Je tire avec mon esprit. Je ne tue pas avec mon arme. Celui qui tue avec son arme a oublié le visage de son père. Je tue avec mon cœur. Ne respire plus. Non. Eh ben, on va passer, je pense, à notre avis à nous sur cette œuvre. Ah. Alors, Chris, en plus, c'est tout frais parce qu'il l'a regardé hier pour la première fois. Ah, extraordinaire. Mais ça fait un peu plus longtemps, j'ai eu le temps de m'en remettre. Donc vas-y, je te laisse nous dire ton avis. Ah, j'ai passé une très bonne journée hier parce que j'ai vu Spider-Man Far From Home plus La Tour Sombre, alors autant vous dire que c'était deux grands chefs-d'œuvre que j'ai vus. Alors, il y a un point commun, c'est que les deux sont très mal écrits. Les deux iconisent très très mal leur héros. Et c'est con parce que quand on a un héros comme Roland, c'est incroyable d'en faire une coquille aussi vite, quoi. Mmh. Mais l'iconisation, c'est quelque chose qui foire très régulièrement. Je trouve dans le blockbuster contemporain, il y a énormément de films que je vois aujourd'hui qui ont un mal fou à iconiser leurs personnages en termes ne serait-ce que visuels ou en termes d'une réplique qui permettrait de les situer. Alors que pour le coup, quand t'as des personnages, enfin quand t'as des acteurs aussi classe que McConaughey ou Idris Elba, en fait t'as pas besoin de grand-chose pour les iconiser. Il faut juste bien placer ta caméra quand ils apparaissent. Ouais, c'est ça, bien placer ta caméra, avoir une musique qui corresponde, à la limite une réplique, un geste qui puisse devenir culte. C'est ça. Alors, effectivement, on pourra me signaler que c'est de l'artifice, dans le fond, l'iconisation, et c'est vrai, mais c'est de l'artifice qui marche diablement bien, bah oui. Et qui après peut permettre, n'empêche pas d'approfondir le personnage, c'est juste que dans un premier temps, ça permet au spectateur, tout de suite, hop, en un claquement de doigts, il sait qui est le personnage. Donc je trouve ça vachement dommage de s'en passer, en fait. Et c'est con, parce que... En termes d'iconisation, par exemple, parmi les points positifs, les costumes fonctionnent bien. Oui. Le costume du pistolero, celui de l'homme en noir, ça donne un vrai plus aux deux acteurs, déjà qui pètent de charisme, mais alors avec ça en plus sur le dos. Leur costume, pour le coup, c'est ce qui dans le film fait le plus western post-apo. Mm. Et les décors aussi. Hein. Les décors quand ils sont dans le monde de Roland. Ouais. Et encore, ça dépend desquels les décors. Pour moi, un des problèmes, c'est que le film a voulu mélanger en un seul film à peu près tous les genres qui étaient abordés dans l'œuvre de Stephen King. Oui, alors que là, le premier tome se concentre que sur deux genres vraiment distincts. Ouais, voilà. Et le souci, c'est que plutôt que de réussir un mélange, il a fini par gommer les particularités de chaque genre et donc par faire quelque chose de complètement anonyme. Et quand on lit certaines interviews du réalisateur, j'ai l'impression qu'il était gêné par l'idée d'assumer un genre complètement. Donc peut-être que ça vient au moins en partie de lui. Il était mal à l'aise avec l'idée de faire un film de genre. Ouais. Là, je m'avance, hein, j'ai pas de confirmation de ça. Mais au vu de ce qu'il peut dire en interview, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Et puis après, c'est aussi compliqué de faire... T'es réalisateur, le studio te demande de faire un film de genre qui soit PG-13, déjà ça pose problème. Effectivement. Déjà, ouais. De base, il y a quelque chose qui coince, quoi. C'est pas possible. Globalement, en dehors de ça, la réalisation est de toute façon assez banale. C'est probablement lié à la présence des studios et au contrôle du montage. C'est monté rapidement, il n'y a pas de plan iconique, il n'y a pas de plan qui exprime une réelle personnalité. Alors ouais. Après, c'est globalement efficace. Il y a une ou deux fusillades où j'ai du mal à me repérer, mais c'est quand même globalement efficace. Voilà, la réelle n'est pas dégueulasse. Hein. En fait, le vrai souci du montage est plus dû aux transitions entre les scènes qu'au montage dans une scène, en fait. Ouais. Parce que des fois, on passe vraiment du coq à l'âne. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Comme tu le dis, il y a certains décors qui sont plutôt intéressants. La base de l'homme en noir, pour ceux qui ont lu, c'est très inspiré de ce qu'on peut avoir dans le tome 5, Les loups de la Calia. La cabane où Jake s'enfuit au début, la tour elle-même, je la trouve plutôt classe. Le reste, je trouve ça un peu banal, c'est-à-dire j'aurais aimé qu'on sente plus un décalage entre notre monde et celui de Roland. Tandis que là, par exemple, quand ils sont dans la nature, j'ai vraiment l'impression que c'est une balade en forêt. Oui, il n'y a pas trop d'environnement post-apo, c'est ça que tu veux dire. Post-apo, ou ne serait-ce que des plantes un peu différentes, quelque chose qui nous fasse sentir un petit décalage, vraiment. Le seul décalage qu'il y a, c'est quand ils sont dans l'espèce de forêt lugubre où, à un moment, Jack marche et il y a des restes de fêtes foraines. Ouais. Et c'est tout. Ouais. C'est vraiment le seul décalage qu'on va trouver. Mais oui, voilà. Cette forêt lugubre marche bien, je trouve. Ouais. C'est juste qu'elle est très mal exploitée, mais le lieu fonctionne bien. Après, ça donne lieu à l'apparition de créatures bizarres qui, à aucun moment, ne sont angoissantes. Ouais. Là, on en revient encore une fois au problème du PG-13, quoi. Et on en vient aussi au problème, pour le coup, je trouve, du numérique. Il y a beaucoup de numérique partout, et pas le meilleur que j'ai vu. Donc ça fait aussi pas mal baisser la qualité des décors, en fait. Vu que dans l'ensemble, ça vomit le numérique tout autour dans les scènes d'action, on a du mal à apprécier le travail sur la direction artistique, je trouve. Il y a plein d'easter eggs pour les fans de Stephen King. Apparemment, on voit les jumelles de Shining à un moment, mais moi, j'ai jamais réussi à les repérer. Je les ai pas vues non plus. Si quelqu'un qui nous écoute sait où elles sont, est-ce qu'il peut nous le signaler ? Jake a une petite voiture Christine dans sa chambre. Il y a une affiche de Rita Hayworth, donc qui sert dans les évadés, qui sert à masquer le trou dans le mur. Les évadés. Un portail utilisé a le numéro 1408. Donc une nouvelle de King s'appelle Chambre 1408. Elle a aussi été adaptée, donc on en reparlera. Il y a une photo de l'hôtel de Shining chez la psy de Jake. Bref, il y a plein de petits easter eggs, mais pour le coup, ils sont discrets. Ils gênent jamais la narration, ils sont jamais importants. Donc, ils sont pas appuyés. Donc, c'est une manière plutôt amusante de faire des easter eggs, je trouve. Bah, clairement, c'est comme ça que toute easter egg devrait être dans un film, en fait. Ouais, c'est ça. On les repère si on s'y connaît. Si on fait attention. Ça a pas d'impact réel pour quelqu'un qui le connaît pas, donc c'est nickel. Ouais, voilà, pour le coup, ça c'est un truc qui a été bien géré. N'est-ce pas, Ready Player One? Non, j'ai pas vu le film, j'ai pas critiqué, j'ai juste lu le livre et je suis d'accord. Pour excuser un peu toute l'équipe, c'est très dur d'adapter La Tour Sombre parce que c'est long. C'est un cycle qui est long, qui fait 4000 pages. Oui, et puis encore une fois, 1h30, 4500 pages. Bah après, voilà, on sait pas exactement ce qu'ils voulaient adapter, on va y revenir. Oui, par la suite. Le matériau de base est violent en plus, donc ça empêche effectivement de faire un film tout public, normalement. C'est au moins un PG-17. Et à l'époque, il n'y avait pas encore eu les films comme Deadpool qui avaient rendu assez populaires les blockbusters interdits aux moins de 17 ans. Deadpool et Logan qui ont ouvert la voie, quoi. C'est ça. Ça mélange les genres, donc c'est un peu dur de fidéliser un public, parce que ceux qui vont aller voir un western post-apo et qui vont aimer ça dans le premier, dans le deuxième, ils vont se retrouver avec un thriller aux accents horrifiques. Ils vont être surpris, et ça va changer de genre perpétuellement. Donc effectivement, clairement, ça ferme la porte à une partie du public. Ah, mais après, la question se pose aussi pour les romans, donc... Ouais, effectivement. Effectivement, mais un roman, ça coûte moins cher. Oui, c'est vrai. Mais le vrai problème, du coup, c'est juste de fidéliser les personnages en leur mettant des personnages attachants. Ah bah moi, je suis d'accord, mais voilà. Je comprends que ça puisse refroidir un peu les studios. Et même si ça n'apparaît pas avant les derniers tomes, l'aspect métafiction qui est très présent en fait sur les deux derniers volumes aurait clairement engendré des difficultés quand ils y seraient arrivés. Mais bon, ça on pouvait se dire qu'ils auraient pu y réfléchir par la suite. Oui. Donc je comprends qu'ils aient galéré et je comprends le fait d'avoir voulu tenter de faire un PG-13. C'était clairement une mauvaise idée, ils auraient dû abandonner en cours de route en se rendant compte que ça allait pas marcher, mais qu'ils aient voulu au moins essayer, je peux admettre. T'as l'air plus sceptique que moi. Bah, en fait, la vraie question, c'est... Enfin, pour moi, la vraie question, c'est est-ce que La Tour Sombre se porte vraiment à une adaptation au cinéma, quoi ? Est-ce que d'autres médias, d'autres formats se porteraient pas mieux pour adapter La Tour Sombre ? Franchement, à mon avis, il y a de quoi faire. Ça dépend des tomes, en fait. Un tome comme le tome 4 serait peut-être compliqué. Le tome 2 aussi, parce qu'il y a deux histoires assez distinctes dans le 2. Mais en vrai, il y a plein de tomes qui vont se passer en un lieu avec une intrigue principale et qui donc sont relativement facilement adaptables en un seul tome. En un seul film, pardon. Je prends toujours l'exemple du 5, parce que c'est vraiment mon favori. Les Loups de la Calia, ça se passe dans un village. Ça fait 700 pages, c'est un énorme pavé. Mais en soi, il y a moyen de pas mal couper sans que ça gêne. Et c'est le cas de pas mal de trucs, en vrai. Donc je pense que ça peut marcher en film. C'est juste que, pour moi, pour le faire correctement en film, en fait, il aurait totalement fallu assumer le genre abordé dans chacun des livres et appeler à chaque fois un réalisateur apte à faire passer ce genre de manière optimale. Un réalisateur différent pour chaque film. Ouais, c'est ça. Ça aurait pu donner quelque chose de passionnant et ça aurait pu permettre en plus à chaque réalisateur de bien travailler, de prendre son temps de travailler sur chaque film. Et je pense que fait comme ça, ça aurait pu donner un côté grande saga à la limite de l'anthologie par moment avec chaque réalisateur qui amène son style au genre abordé. Et ça aurait pu être génial. En fait, t'aurais pensé la saga au cinéma un peu comme on pourrait penser une série télé, quoi, avec un réalisateur par épisode et une grosse tête pensante qui servirait de showrunner. Ouais, c'est ça, mais pour le coup, en n'ayant pas de... Dans une série télé, il y a souvent des directives de réalisation assez précises pour que tous les épisodes se correspondent à peu près. Là, au contraire, le but, ça aurait été d'aller à l'inverse. Par exemple, un tome 6, Le Chant de Susanna, qui implique beaucoup d'idées d'horreur et de possession. Mais avec un James Wan à la réalisation, ça aurait pu donner quelque chose de formidable. Et sur le 5, je sais pas, on prend... Enfin, il aurait probablement jamais accepté, mais dans l'idée, on aurait pu prendre un Clint Eastwood pour le réaliser, ça aurait pu donner un truc dingue. Ça aurait été marrant. Bah, Clint Eastwood pour le premier, même aussi. Hein. Oui, ou pour le premier, effectivement. Donc il y avait plein de possibilités. Pour moi, ça aurait été ça qui aurait dû être fait. C'est pas alors ce qu'ils ont fait. Ça a déjà été fait. En un téléfilm et en deux films. Ouais, bah on y reviendra aussi. Blague de merde. Il y a une référence à ça d'ailleurs dans La Tour Sombre. À un moment, le parc d'attractions est à thématique Pennywise. D'accord. Et au final, le souci. Pas tilté, ouais, non, faut vraiment le repérer. Et au final, le souci, c'est que le film est entre deux eaux parce que on a l'impression qu'il veut faire des choses contradictoires. C'est-à-dire, à la fois, il veut installer toute une franchise, donc il amène un univers extrêmement vaste, beaucoup trop vaste, il amène beaucoup trop d'éléments en une heure et demie. C'est moi, même en ayant lu les livres, j'ai été perdu face à certaines idées. Donc il y a le centre de l'homme en noir avec tous les ordinateurs, il y a sa rivalité avec Roland, la façon de passer d'un monde à l'autre, le démon qui prend la forme de nos cauchemars. Les hommes qui sont greffés des peaux. Ouais, c'est ça, le rôle de Jake dans cet univers, c'est un bordel monstrueux. Ça pioche en fait des éléments principalement dans les tomes 1, 2, 3 et 5, même un peu dans le 6, et ça fait des références aux 4, 7 et 8. C'est en piochant comme ça partout. Ça pouvait pas marcher, je vois bien l'idée de ne pas adapter stricto sensu le tome 1, mais en même temps, faut pas non plus vouloir trop en mettre. Ah, voilà, ça. On a presque l'impression que certaines références sont là juste pour calmer les fans, par exemple la première phrase du livre qui est prononcée lors d'une scène de rêve par une voix off. Franchement, ça sert à rien à part à calmer les fans, un truc comme ça. Et à côté de ça, ça veut conclure toute l'intrigue en un seul film, c'est-à-dire à la fin, le méchant il meurt, ça peut s'arrêter là. C'est effectivement plus ou moins ce que faisait le tome 1, déjà. C'est-à-dire, le tome 1, il peut se lire individuellement, sauf qu'il amenait largement moins d'éléments. Pour le coup, ils auraient dû respecter la simplicité du tome 1, tant en termes d'intrigue que de traitement des personnages. Je sais pas si t'es d'accord. Oui, totalement. Donc voilà, ils ont voulu faire trop compliqué. Je suis pas forcément partisan des adaptations très fidèles, mais là, ils auraient au moins dû retenir l'esprit du tome 1, à savoir vraiment quelque chose de simple, quelque chose qui ne développe pas tout l'univers, qui, à la limite, mais des petites références pour la suite, qui sont là, mais qui ne sont pas exploitées, mais pas chercher à faire compliqué, oui, en réalité, pas chercher à tout fourrer. Clairement, ils auraient dû juste adapter le premier tome, quoi. Ils auraient dû appeler leur film La Tour Sombre, le Pistolero, parce que le film s'appelle juste La Tour Sombre. Ouais. Donc déjà, de base, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Ils ont pour but de tout adapter, quoi. C'est ça. Enfin, d'en rentrer du moins le maximum, quoi. Après, ça peut se comprendre, hein, quand tu crées, en l'occurrence, c'est pas une création, mais quand tu veux lancer une nouvelle licence, t'essayes d'en mettre pour pouvoir attirer les gens à faire d'autres trucs, et t'en gardes sous le pied pour faire d'autres projets, parce que cette licence que t'as acquis et que t'essayes de mettre en place, bah ça demande du pognon de mettre en place une grosse licence. Donc forcément, il faut la rentabiliser en créant d'autres choses derrière. Mais c'est juste qu'ils ont voulu trop en mettre, et bah du coup, c'est l'overdose. Nous avons réussi à l'endommager sérieusement, monsieur, mais elle n'est pas tombée. Cela n'a plus d'importance, j'ai trouvé le bon. Ce gamin va faire tomber la tour à lui tout seul. Où est cet enfant ? Il est ici, dans l'entre-deux-mondes, où il cherche un de mes vieux amis, Roland Delde. Je pensais que tous les pistoleros étaient morts. Roland a toujours eu la capacité contrariante de résister à mes sortilèges. Alors j'ai tué tous ceux qui comptaient pour lui. Aux dernières nouvelles, il errait dans le désert Moen. C'est là que va le garçon. Le désert Moen n'est-il pas... Immense, oui, comme l'est le Shining de ce garçon. J'envoie nos trackers dans la région, monsieur. Faire de Jake le héros du film, je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que dans les romans, en fait, l'histoire est de façon centrale celle de Roland. Oui. Alors effectivement, Jake, Eddie et Susanna, qu'on ne voit pas dans le film, sont très importants, il y a plein de passages qui sont centrés sur eux, mais finalement, ils tournent toujours autour de Roland, c'est lui un peu la force motrice du groupe, et c'est sa quête et ses obsessions qui vont tout mettre en branle et qui vont amener les catastrophes des tomes à venir. Bah, c'est son but à lui que tu suis, quoi. Ouais, voilà, c'est la thématique centrale des livres. C'était pas dur à deviner, parce que c'est dit dès la première phrase du tome 1, hein, pour le coup. L'indice était donné, quand même. Et le souci, c'est que Roland n'est pas très bien écrit. C'est-à-dire, dans les livres, il y a cette idée que Roland, au début, c'est la figure du héros de western, taciturne, froid, violent, qui n'hésite pas à sacrifier les gens, qui n'est pas particulièrement triste quand quelqu'un avec qui il a eu une relation meurt, qui a eu un passé douloureux qui l'a rendu comme ça. Et en fait, un des thèmes des livres, ne serait-ce que du tome 1, c'est son humanisation progressive, entre autres au contact de Jake. Bah oui, parce que même au cours du tome 1, il commence à y avoir une relation père-fils qui se met en place. Hein. Oui. Chose qui est totalement absente... Du film. Bah, on sent que ça essaie, on sent que ça veut le faire. Bah, ça essaie, parce que dans le film, Jake, on voit qu'il a eu un père, que son père est décédé, que sa mère s'est remis en couple avec un homme avec qui ça va pas très bien. Mm-hmm. Et donc, du coup, bah, le personnage de Roland dans le film deviendrait la nouvelle figure paternelle, mais c'est juste que ça marche pas. Bah, ça marche pas en grande partie parce que Roland n'est jamais sombre et taciturne en fait. Voilà. Donc il a pas de progression à avoir, il est jamais froid de base. Ouais, puis on nous dit qu'il l'est, mais il l'est pas. Bah, et puis aussi, à aucun moment il y a de scène touchante entre les deux. Quoi. À aucun moment on nous montre une preuve d'affection entre les deux. C'est ça, donc, forcément, ça peut marcher. C'est toujours beaucoup trop entre deux eaux. Et encore une fois, c'est dommage parce qu'on sent que Idris Elba, lui, il fait de son mieux pour amener ça, pour être vraiment glacial lors de sa première apparition, par exemple, ou au contraire, pour être plus proche, plus paternel vers la fin. Mais ça prend pas parce qu'il a pas assez de temps pour développer ça, parce que c'est pas écrit de manière à ce qu'il puisse développer ça, et c'est vraiment dommage. Parce que finalement, les personnages n'évoluent pas, en fait. Mais c'est ça, en fait, qui rend ce film frustrant, c'est qu'il y a... C'est un film qui a des qualités, mais... Les défauts de ces qualités, bah, au bout d'un moment, font en sorte qu'on soit frustré, parce qu'on se dit que c'est un vrai gâchis, en fait. Oui. Ça aurait pu tellement être mieux. On sent qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise intention derrière ce film. Ah oui, oui, je pense. Pour le coup, je pense que réellement, quand Nicolas Jarcel ou même Goldsman, pardon, je crois, disent qu'ils ont voulu faire, enfin qu'ils étaient fans des romans, je veux bien les croire, ah, puis ouais, largement. Ça se sent en fait qu'ils ont tous voulu faire quelque chose de bien, ils sont tous vraiment donnés à fond, c'est juste que bah, ça fonctionne pas. Ça les a peut-être piégés même dans une certaine mesure, parce que quand on est fan de quelque chose, ça devient dur de faire des choix, on se dit que tout est important. Bah oui. Et je comprends que ça ait été dit, vraiment je comprends qu'ils aient galéré pour faire cette adaptation, mais ça excuse pas tout, ils se sont foirés. Et clairement c'est pour ça qu'on l'a choisi comme étant un mauvais film, mais pas une catastrophe. Ouais, voilà. Parce que oui, on a globalement pas aimé... Mais il y a quand même des scènes qui fonctionnent, il y a quand même des moments divertissants, les acteurs sont bons. Ah bah, la scène d'action finale, moi, je trouve qu'elle marche pas mal. Oui, clairement. Mais c'est juste que voilà, globalement, ça fonctionne pas. La mise à sac du village est très bien aussi. Les idées autour de la base de l'homme noir, je trouve ça très bien. Parlons d'une scène plutôt cool, la scène où Roland utilise vraiment ses vraies capacités de pistolero, chose qu'il fait quasiment jamais dans le film. Ouais, c'est où à un moment, il se concentre alors que c'est un homme de l'homme en noir qui kidnappe Jake et qui s'en va de plus en plus loin. Et là, Roland se concentre et se focus de plus en plus sur les battements de cœur du gars qu'il est en train de viser, et il arrive à faire mouche de loin, et la scène doit durer peut-être 2-3 minutes, et un petit peu étirée, mais elle fonctionne du début à la fin, elle est vraiment très très bien. Ouais, c'est ça. C'est ben, en fait, dès que ça se concentre à fond sur ses personnages, sur Roland entre autres, et sur ses capacités, sur son passé, ça marche. C'est pour ça, je pense qu'il y a eu... à mon avis, je pense qu'il y a eu pas mal de scènes cutées, avec des personnages qui étaient beaucoup plus développés. Typiquement, je pense que Jake et Roland, à mon avis, de base, ils devaient être plus développés que ça. Très, je pense que t'es, mais que t'es dès le scénario, à mon avis. Oui. C'est pense possible. Qu'elles n'ont jamais été tournées, ces scènes-là. C'est possible. Et il y a le même problème pour Matthew McConaughey. En fait, il ne peut pas faire un méchant qui fonctionne, parce que, bon, on sait qu'il veut détruire la tour, mais comme la tour sombre, on ne comprend pas bien exactement ce que c'est dans les films. On a du mal à comprendre les enjeux. On ne sait pas pourquoi il veut détruire la tour, et finalement, en fait, on comprend pas quels sont ses objectifs en tant que méchant, on comprend pas vraiment les origines de sa rivalité avec Roland, c'est on comprend qu'il a plus ou moins tué toute la famille et tout le village de Roland, mais pourquoi, comment, on n'en sait rien. Ah ben... Alors dans les livres, on n'en sait pas beaucoup non plus, mais ce mystère est traité comme un thème. Et voilà, et puis dans le livre, on sait qu'il reviendra, quoi. Oui, oui. On le voit pas crever comme ça à la fin, quoi. Et finalement, Jake est assez transparent, c'est un acteur et pas mauvais, c'est un acteur débutant, hein, il n'a pas joué dans grand-chose ni avant, et il essaie de continuer sa carrière, je lui souhaite bonne chance. Oui. Mais voilà, il n'a pas assez à jouer pour pouvoir briller. C'est un adolescent transparent de saga adolescente, comme on en fait beaucoup aujourd'hui. Mm. Et encore une fois, même ça aurait pu coller, si en milieu ou en fin de film, il y avait des scènes qui le développaient plus. Oui, voilà. C'est pas le cas. Et dernier point noir du film, pour moi, Tom Holkenborg à la musique. Alias Junkie XL. La musique est... C'est même pas qu'elle est insipide, c'est qu'elle est oubliable. Ouais, c'est ça. C'est un élève de Hans Zimmer, ce compositeur-là. Mm. C'est un des plus populaires aujourd'hui, c'est un de ceux dont la carrière prend le plus de croissance. Et on se demande pourquoi. Alors je vais être honnête, la nouvelle génération de compositeurs de Zimmer, celle qui est venue après les Jablonski et Djawadi, j'ai un peu de mal avec eux, je les trouve assez transparents. Ils font de la musique au maître, donc c'est efficace, oui, à peu près. Bah, ça fonctionne quand tu regardes le film, mais tu l'oublies directement après le visionnage, quoi. Ouais, et puis surtout, on pourrait la coller à n'importe quel film du même genre, ça marcherait tout aussi bien, ça n'a aucune personnalité. Après, tu me diras, un peu comme le Zimmer d'aujourd'hui, hein. Ouais, un peu comme le Zimmer d'aujourd'hui, et encore, lui, a un peu plus une voix à lui que c'est mignon. Oui, après, ouais. si vous voulez du bon Junkie XL, si vous cherchez ça, il a fait la BO de Mad Max Fury Road, qui est une bonne preuve que quand un réalisateur a une personnalité, il arrive à communiquer cette personnalité à son équipe, et notamment au compositeur. Mais globalement, pour moi, Junkie XL, c'est tout le temps oubliable. Je confonds un peu toutes ces BO. Si vous me feriez écouter le thème d'une autre BO, je pense que je pourrais facilement le prendre pour celui de la Tour Sombre. Je pense que je suis en partie très subjectif sur ce compositeur-là. Encore une fois, comme le nouveau Zimmer. Hein. Pour revenir aux informations qui sont balancées un peu comme ça, sans explication, si c'est pour faire ça, autant même pas parler du Shining, quoi. Parce que si c'est pour dire, il a le Shining, non, mais ça sert à rien, les gars. Développez, ou alors ne le faites pas. Oui, effectivement. Voilà. Je sais pas à quel public il s'adresse, en fait, à ceux qui ne connaissent pas la Tour Sombre, ou alors il partait du principe que les spectateurs seraient les lecteurs, et donc sauraient comprendre les références, mais il faut pas faire ça jamais dans une adaptation. Mais encore, si le Shining était développé au tout début du film, ça aurait été, sauf que là, ça nous est balancé dans la gueule au bout de, à la moitié, quoi. Ouais. Au bout de 45 minutes, ça nous est balancé à la gueule. Bah. Si c'était évoqué de manière mysticisme, un petit peu comme ce peut l'être la Force dans la saga Star Wars, donc très mystique, mais qui reste quand même quelque chose de concret, et c'est quelque chose qui est évoqué très tôt dans la saga, et donc du coup, les gens ont le temps de s'imaginer ce que c'est, de se la représenter, là, ça aurait pu être bien, mais le problème, c'est que c'est mal amené, encore une fois. Ce qui est fou, c'est que encore une fois, on demandait pas d'explication là-dessus. On aurait pu avoir l'idée que Jake a des pouvoirs télépathiques sans que ce soit justifié en aucune manière. On serait beaucoup moins posé la question que là où on a des explications partielles. Oui, parce que là, clairement, pendant toute la première partie du film, à aucun moment, tu peux comprendre qu'il a des pouvoirs. Bah, à part dans ses songes qu'ils font aller dans un autre monde. Ouais, mais ça, c'est une trace de ça, je pense. Ouais, mais ça peut s'appeler. Enfin, ça peut être juste des visions ou des rêves. C'est pas forcément un pouvoir. C'est pas clair. C'est pas défini comme étant un pouvoir. Surtout qu'à chaque fois que ça lui arrive, c'est quand il dort. Oui. Voilà. Non, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Donc on en a fini avec notre avis sur le film, et nous allons donc passer à la rubrique de comparaison de scènes. Nous avons choisi la première apparition de Roland dans le film et dans le livre, donc qui ne se passe pas du tout dans les mêmes circonstances, puisqu'encore une fois, c'est une adaptation très vague. Donc dans le livre, c'est le tout début, et dans le film, ça arrive à peu près 25 minutes. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Oui, précisons, dans le film, on a choisi sa deuxième apparition. Il fait une première apparition en songe avec son père. Effectivement, oui, on a choisi la première apparition dans le réel. Voilà, la première rencontre avec Jake. Donc, je vais vous lire, à partir de la page 9 jusqu'à environ un peu plus de la moitié de la page 10 de l'édition J'ai lu, collection SF, Stephen King, La Tour Sombre, Le Pistolero. Alors il s'agit, d'une vieille édition et en fait de l'ancienne version du premier tome, parce que Stephen King l'a légèrement réécrit depuis. Mais là on est sur l'édition originale. Qui est le traducteur ? Alors, moi c'est une édition donc, du coup, de dépôt légal qui date de juin 2000, et le traducteur c'est Gérard Lebec. L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait. De tous les déserts, celui-là était l'apothéose, immensément posé sous le ciel et couvrant jusqu'à plusieurs parsecs en tous sens. Blanc, aveuglant, aride, sans rien pour le rompre, sinon la traînée brumeuse des montagnes, se découpant sur l'horizon et l'herbe du diable, porteuse de songes délicieux, puis de cauchemars et de morts. Une pierre tombale, de temps à autre, montrait la direction à prendre, car cette piste tracée dans l'épaisse croûte d'Alcali avait été jadis une route fréquentée. Le monde avait changé depuis. Le monde s'était vidé. Le pistolero marchait, d'un pas régulier, sans hâte, mais sans traîner. Une outre lui saignait la taille, évoquant un gros boudin. Elle était pratiquement pleine. Il progressait depuis maintes années dans le kiff, et il avait atteint le cinquième niveau. Au septième ou au huitième, il n'aurait pas eu soif, et se serait borné à observer avec un détachement clinique la déshydratation de son corps, numectant ses fissures et creux internes que lorsque sa logique le lui aurait dicté. Mais il n'était ni au septième, ni au huitième niveau, au cinquième seulement. Aussi avait-il soif, tout en pouvant se passer de boire dans l'immédiat. En un sens, rien de tout cela ne lui déplaisait. C'était romantique. Sous le renflement de l'outre, Il avait ses armes, une paire de revolvers spécialement équilibrés pour lui. Les deux Saturons se croisaient au-dessus de ses parties, soutenant des étuis si imprégnés de graisse que même ce soleil philistin n'en aurait pu racler le cuir. Il se balançait lourdement contre ses hanches, maintenu à ses cuisses par une cordelette de boyaux. Les crosses qui en dépassaient étaient de bois de santal jaune au grain d'une finesse extrême. Les douilles de cuivre des cartouches disposées dans les alvéoles des ceinturons accrochaient la lumière aveuglante, scintillaient, flamboyaient, lançaient des héliogrammes. Le cuir crissait un peu. Les pistolets, eux, ne faisaient aucun bruit. Ils avaient versé le sang, nul besoin d'être bruyant dans la stérilité du désert. Ses vêtements avaient l'absence de couleur de la pluie ou de la poussière. Une chemise ouverte sur la gorge, l'entrecroissement lâche d'une lanière de peau brute glissée dans des œillets sertis à la main, et un pantalon de grosse toile à couture renforcée. Et maintenant, voici donc la rencontre entre Jake et Roland, donc la première apparition physique de Roland, dans le film. Qui es-tu ? C'est vous. Je m'appelle Jake. Jake Chambers. Je vous ai vu en rêve. S'il vous plaît. Attendez. Regardez. Vous êtes un pistolero, hein ? Il n'y a pas de pistolero. Il y en a peu. Mais je vous ai vu... Tes rêves t'ont trompé, mon gars. Ils t'ont dit ce que tu voulais entendre. Je suis venu de très loin pour vous. D'un autre monde. Bon voyage de retour. Écoutez, je vous ai vu. Il y avait un champ de bataille, et vous combattiez l'homme en noir. Et il y avait... L'homme en noir ? Non ! Tu me connais ? Arrêtez, je vous en prie, je vous en supplie ! Qui t'a envoyé ? Tu es l'un de ses sorts ! Où se cache-t-il ? J'en sais rien, j'ai juste... Où se cache-t-il ? J'en sais rien, je vous jure ! Je l'ai juste vu dans mes rêves, comme je vous ai vu vous. Vous vous appelez Roland, c'est ça ? S'il vous plaît ! Très bien, donc je me permets de dire mon problème avec cette scène en premier, c'est l'iconisation. Pour moi, ça tient entièrement à ça, en fait. C'est ce qui a été lu par Chris, c'est vraiment un exemple parfait d'iconisation réussie. C'est-à-dire, on a une phrase de deux lignes, la première du roman, « L'homme en noir fuyait à travers le désert et le pistolero le poursuivait. Les objectifs pour tout le premier tome sont posés. Bah, » On a objectif et lieu. On a objectif, déjà. Lieu, et on a les deux personnages principaux. Le protagoniste et l'antagoniste. C'est ça. Juste après, ça nous décrit le protagoniste, et c'est une description qui, dans sa manière d'être écrite, nous pose aussi son caractère. C'est-à-dire, on nous montre que, non seulement, physiquement, c'est comme on l'a dit, un cliché de western, en fait, mais même au niveau du moral, du mental, on nous parle de ces pistolets qui ont versé le sang, du fait qu'il n'y a pas besoin de faire de bruit, du fait qu'il a soif mais que ça lui manque pas, que oui, finalement qu'il s'en fout, du fait qu'il a suivi une formation apparemment pour contrôler son corps. En fait, il y a énormément de choses qui sont posées, et en deux pages, on nous a posé un héros certes psychologiquement pas bien poussé pour le moment, et dans le tome 1, il restera globalement assez simple, mais il pète la classe, et surtout, on se représente tout de suite quelque chose. Alors pour le coup, moi effectivement, quand je me suis représenté, alors que j'avais pas encore lu les inspirations de King, mais quand je me suis représenté, c'était Clint Eastwood. Hein. Oui. Pour moi, c'est assez évident en lisant ça. Oui. Et puis même, King instaure dès les premières pages des éléments de son univers, parce qu'il nous parle d'un septième niveau, d'un huitième niveau, mais qu'on n'est qu'au cinquième. Oui, le plus drôle étant que c'est pas du tout où il allait à cette époque. C'est ça. J'imagine à sa table d'étudiant en train d'écrire ça. Bon, je vais mettre ça, on verra bien ce que j'en fais. Sur son papier vert. Ça peut resservir. Mais oui, alors que du coup, dans le roman, on a un face-à-face un petit peu nul, il faut bien l'avouer, entre Jake et Roland. Mm. Roland qui lui demande « qu'est-ce que tu fous là ?» Parce qu'en fait, Jake trouve un feu de camp laissé par Roland et du coup, il lui chourde de l'eau. Et du coup, en fait, la scène va à l'opposé de ce que nous dit le roman, puisque dès que Jack a fini de boire, Roland s'assure qu'il reste de l'eau dans sa... dans son outre, alors que si on adapte cette scène, en fait, il devrait s'en foutre, en fait, qu'il reste de l'eau ou pas. Alors que non, là, il s'en inquiète. Puis le choix du décor marche pas non plus, je trouve, dans le film, parce qu'il y a trop de végétation. En fait, le décor est trop chargé. Là, on est plus sur une espèce de plaine désertique qu'un vrai désert, en fait. Ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, on est sur une espèce de petite montagne, il me semble. Ouais. Dans le film. Ouais, tandis que moi, tel que c'est décrit là, j'imagine vraiment une plaine avec, en fait, rien à perte de vue. Oui, à la limite, quelques dunes de sable par-ci par-là. C'est ça. C'est vraiment pour moi, et je pense que c'était clairement la scène que devait avoir Stephen King en tête au moment où il a écrit ça, c'est le tout début du Bon, la brute et le truand. Ouais. Où, en fait, la plupart des personnages sont introduits comme ça. Le premier plan du Bon, la brute et le truand, c'est un personnage alors secondaire, mais qui surgit dans le cadre. Enfin, au début, on a le désert, et puis tout à coup, en gros plan, il y a une tête qui arrive. Plus tard, il y a à peu près la même chose avec le personnage de Lee Van Cleef qui surgit du désert et qui arrive dans des maisons. C'est en silence, il n'y a aucun dialogue. Et pour moi, très clairement, c'est ce que voulait faire King ici. Ouais. C'est une ouverture de western, même celle d'Il était une fois dans l'Ouest était complètement muette. Et ça marche, en fait. Ça permet de se concentrer uniquement sur le perso, parce que même dans le décor, il n'y a rien à voir. Et donc, on se concentre que sur ça. Il y a un paragraphe entier qui est consacré à la description des pistolets qui sont jamais mis tellement en avant dans les films. Non. Alors que visiblement, là, si on y consacre tout un paragraphe de 15 lignes, c'est que c'est important. Non, dans le film, il y a deux scènes où les pistolets sont rendus un petit peu iconiques. C'est le passage dans la forêt où ils rechargent super vite. Oui. Où t'as un gros plan sur le flingue et Idris Elba qui glisse des armes, des balles rapidement en faisant tourner le barillet en même temps. Et la fameuse scène que j'évoquais tout à l'heure pendant l'enlèvement de Jack, où il abat la cible qui est très très loin. C'est les deux seules scènes du film qui iconisent les flingues. Ouais. Alors que tout le monde l'appelle pistolero pendant tout le film. Oui, c'est ça. Normalement, ça veut vouloir dire quelque chose, quoi. Donc, voilà, ils avaient vraiment toutes les cartes en main, et encore une fois, quitte à ne pas faire une adaptation fidèle, ils auraient pu au moins garder l'état d'esprit. Et savoir garder cette manière d'amener Roland qui permet tout de suite de poser le personnage. Et ça demande quoi? Ça demande une scène de peut-être 2 minutes. 2 minutes silencieuses. Ah oui. Et puis de l'identifier. Ça traîne un peu, mais... De l'identifier comme étant un gentil. Oui. Parce que là, en plus, son première apparition, il pointe un flingue sur le personnage qu'on considère comme protagoniste dans le film. Donc déjà, de base, en tant que spectateur, tu peux pas l'identifier comme gentil de base. Vu que le premier geste qu'il fait, c'est un geste énervé envers le protagoniste. Et pour le coup, le montage est trop rapide aussi dans le film. Enfin, il y a beaucoup de plans. Alors, encore une fois, pour permettre d'apprécier un personnage, de découvrir un personnage, c'est bien qu'à un moment, il y a un plan qui le mette en avant, où il soit le seul élément à voir, limite, où il n'y ait pas trop de décor, et que ce plan dure un peu. C'est le principe d'iconisation, encore une fois, on y revient. Et c'est marrant, parce que du coup, on se retrouve avec cimetière où les deux scènes cultes de l'œuvre, que ce soit dans le film ou dans le roman, sont réussies. Et là, on se retrouve avec l'exact inverse, où c'est totalement raté pour la version film. Ouais, et très réussi pour la version roman. Voilà. Et ouais, encore une fois, je pense que ça relève en partie du fait que l'équipe a pas réussi à assumer jusqu'au bout le fait de faire un film de genre au pluriel, pour ce plein de genres qui peut être abordé. Mais ils assument jamais aucun genre complètement. D'après ce qu'a dit le réalisateur Nicolas Jarcel, c'est parce qu'il voulait pas, faire un film d'un genre et après en fait que le public ait l'impression d'être trompé en allant voir quelque chose qui appartient à un autre genre. Et il y en aurait probablement qui auraient ressenti ça, mais c'est quand même ce qu'il fallait faire, je pense. Bah oui, clairement. À partir du moment où l'œuvre que tu adaptes, c'est ce qu'elle fait, tu le fais. Sinon, tu n'adaptes pas cette œuvre. Ouais, ou alors il aurait au moins fallu proposer quelque chose d'aussi intéressant. Voilà. Mais c'était pas simple. Et c'est d'autant plus dommage que, clairement, au niveau inspiration cinématographique, c'est peut-être la plus marquée des œuvres de King, donc il fallait pas chercher bien loin. Bah oui. Donc une occasion manquée, une arrivée de Roland manquée, malgré un excellent acteur, et franchement, moi j'aurais aimé qu'il soit au moins dans la série télé pour essayer de rattraper ça, et qu'à la limite, à un moment, on écarte le premier film et qu'on refasse ça depuis le début. Oui, qu'on reboot totalement en gardant Conaghy et... Et Elba, en plus, les deux sont des acteurs qui savent comment fonctionnent les séries télé. Oui. De base, ils n'auraient pas été perdus, en plus, à refaire ça en série. C'est vraiment une occasion ratée, quoi. Et tout ce que je souhaite à la fin de ça, c'est de voir un jour une bonne adaptation de La Tour Sombre, et de voir un jour un blockbuster, un gros film d'action avec un Idris Elba vraiment mis en avant. Mais il y a Fast and Furious, Hobbs and Shaw qui sort bientôt. Oui, parce que ça, et j'ai de l'espoir. Parce que ça, clairement, le bide de la Tour Sombre, bah, ça a dû freiner beaucoup les producteurs pour foutre Elba en tête d'affiche, quoi. Ouais, c'est ça. Clairement. Alors que bah, c'est pas de sa faute, quoi. Bah non. Il est aucunement responsable de ça. Conaghan encore était déjà à l'époque de la Tour Sombre plus en avant fréquemment que Elba. Oui. Donc lui, ça n'a pas eu trop d'impact sur sa carrière. Bah, Conaghan est américain de base, Elba est anglais. En plus, donc, il est anglais, donc ça n'a peut-être pas aidé. Ça pose plus de problème. Mais c'est dommage. Donc du coup, espérons ouais, que ce spin-off à Fast and Furious cartonne. Et on sait ce que c'est. Engager un acteur non blanc dans un rôle principal, ça freine toujours un peu les producteurs encore aujourd'hui. Donc je pense qu'Elba a aussi souffert de ça. Pour des raisons qui m'échappent, mais bon. Oui, moi aussi, mais bon. Enfin, il n'y a qu'à voir les réactions quand on l'a évoqué en tant que James Bond. Hein. Oui. Mon Dieu. Donc voilà, on en a terminé avec la Tour Sombre. Donc encore une fois, pour aujourd'hui, le classement va être, je pense, assez rapide. Bah ça va en dessous... Alors le film... Le film... Ça va en dessous de Cimetière. Clairement en dessous de Cimetière, pour le moment. Le roman, on classe quoi ? La saga ? Ou le premier tome ? Toi, ça va être le premier tome. Voilà, clairement. Moi, ça va être la saga. Je vais parler au nom de la saga. Et clairement, moi, le premier tome, tu peux pas mettre le premier tome seulement, le Pistolero, tu peux pas le mettre au-dessus de Cimetière. C'est pas possible. Alors, dans tous les cas, je vais être d'accord avec toi, ça va être en dessous de Cimetière. Ouais. Mais par contre, c'est une saga vraiment formidable. Pour moi, il y a vraiment juste des longueurs dans les tomes 2 et 3 que des fois j'ai eu un peu de mal à avancer. C'est parce que j'étais bloqué dans un couloir à surveiller du vide que je les ai lus rapidement. Mais sinon, j'aurais un peu galéré pour les tomes 2 et 3. Par contre, vraiment, les 1, 4, 5, 6 et la majorité du 7, c'est exceptionnel. Et il y a certains des meilleurs trucs écrits par King dedans, donc lisez La Tour Sombre, je vous le conseille vivement. Mais effectivement, ça reste en dessous de Cimetière. Mais pour moi, il n'y a rien qui arrive en dessous de Cimetière. Bon, ce serait pas temps de tirer au sort. Si, les premier tirage au sort. Que nous avons je suis évoqué. Ému. Allez, tire le premier, je ferai le second. Près du micro pour qu'on l'entende bien. J'ai très peur. Alors, j'ai tiré Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Oh, oh putain, je suis content. Ah oui. Ouais. Nous allons évoquer un très bon film. Mais un bon. Et la première adaptation de Stephen King. Exactement. Par un grand homme. Ouais. Je te rends la boîte. N'en remets pas Carrie dedans. Non, non. Alors, je n'ai pas vu le film. Il s'agit de Salem, de Michael Salomon. D'accord, je n'ai pas vu non plus. C'est pas la mini-série, je crois. Non, parce que la mini-série est de Tobe Hooper. Donc, c'est une autre adaptation et je ne l'ai pas vu. Et ben, du coup, nous avons des devoirs de vacances. Voilà. Salem, de Michael Salomon. Très bien, donc nous nous retrouvons la prochaine fois pour Carrie au bal du diable. Je suis vraiment content. Dans deux semaines, pour Carrie... Et dans 4 semaines, pour Salem. Pour Salem, et pour la prochaine sélection. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit sur le film, le livre ou le podcast. On est à l'écoute de vos conseils. Des commentaires sur Twitter. Partagez surtout, ce qui permettra au podcast de se faire connaître. Car n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À très bientôt. Salut.